carino arié fidèle, notre projet s'il te plaît. La donzelle me prend pour vous, moi le maître et vous le laquais. Elle t'a vu portant ma cape, elle n'a pu te voir en face. Cher enfant, elle ne sait pas qu'elle est prête pour la chasse. Nous vidons d'abord ma cave, spolions ce qui m'appartient. Dès qu'enfin sa pruderie s'amollit avec les vins. Pour rentrer, je suis Don Juan, je crie fort, il faut quelqu'un. Je dirais partons, suis-moi, mais où ça, la garde-robe? Au grand vent, aucune chance. Tiens, mon chapeau est stock, ce serait le choc si elle entend soudain que je